que j'aime, t'es dans mes veines. Maman, t'es la seule que j'aime, t'es dans mes veines comme un new day. Maman, t'es la seule que j'aime, t'es dans mes veines. Maman, t'es la seule que j'aime, t'es dans mes veines comme un new day. Finger talk, tu m'as dit. Fala todo chigão, e aí nada guru fanu, dar o gulo meti aí boy. Wherever you go, I'm gonna follow you. Nasa valdal, wherever I go, you gonna follow me. Ah, so na guma mundo kundi de, so ma oru so ma gel to forget. Fuma na meno de yok ma mage, next summer wet, kam na ni guma muso wet. Mama, c'est la seule que j'aime, c'est la